Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gamouzo pour cette nouvelle édition de L'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Pour l'émission de ce soir, comme je l'avais déjà annoncé dans mon émission de la veille comme d'habitude et sur Facebook courant de l'après-midi comme d'habitude encore une fois, on va parler d'animation, on va parler de festivités, d'un événement à venir pour la Saint-Sylvestre avec Pat Anime qui est avec nous ce soir. Bonsoir Pat. Oui, bonsoir Lou. Alors Pat, on a l'habitude dans L'Heure des Loups de faire les choses dans un certain ordre, hein. On se rend compte qu'il y a une certaine mécanique dans cette émission. Et s'il y a une chose que j'aime bien mettre en avant en premier dans mon émission, c'est l'humain. Alors toi Pat, si j'ai bien compris, parce qu'on a discuté un petit peu en off, c'est pas la première fois que tu viens ici dans nos locaux pour parler de ta passion du karaoké, si je me trompe pas, vu que c'est ton activité de base. Oui, c'est ça. La dernière fois que je suis venu ici à Saint-Étienne, c'était pour. On était invité en tant que fan de karaoké. Voilà. Donc, c'était pour parler de ce loisir qui, maintenant, au final, quelques années après, est devenu un peu mon travail par le fait. Oui. Et on a envie de savoir comment c'est devenu ton travail. Mais avant toute chose, ça fait longtemps que le karaoké, c'est ta passion ? Oh, je vais dire pas tant que ça. C'est venu par rapport à des choses dans la vie qui se passent où on se retrouve des fois un peu plus seul et moi c'est venu de là en fait, il y a quoi, une petite dizaine d'années quoi, que je fais du karaoké. Voilà. Bon, après j'ai toujours aimé chanter puisque bon, j'ai fait partie de chorales, de groupes vocaux, de choses comme ça, mais j'ai toujours aimé chanter, mais le karaoké non, ça remonte à 10 ans maximum. Oui. Ah, donc voilà. C'est une passion qui est venue avec le temps, d'après ce que j'ai bien compris. Et ça a évolué, parce que si je l'ai bien compris, ce n'est pas l'activité que tu fais depuis toujours, tu n'as pas toujours fait dans l'événementiel. Non, non, bien entendu, j'ai fait divers... j'ai quand même un âge où j'ai déjà fait pas mal de choses, mais j'ai travaillé là dernièrement 25 ans dans l'industrie, donc rien à voir. Donc ça fera seulement 2 ans que je fais cette activité en fait. Parce que maintenant tu le fais de manière professionnelle. Oui, je suis en auto-entrepreneur, donc c'est quand même quelque chose de bien cadré. Je le fais de manière professionnelle. Ça fait environ 2 ans. Si oui, ça fera 2 ans, pas tout à fait. Ça fera 2 ans au mois de mars que je fais cette activité d'animateur. Voilà. D'ailleurs, d'après ce que j'ai aussi entendu en off, tu as un parcours assez particulier, vu que rien ne te destinait spécialement à faire dans l'animation de soirée, et pourtant tu en es là. J'imagine que ce bagage a fait que tu suives un certain chemin. Est-ce que tu veux peut-être dire aux auditeurs justement quel est le chemin que tu as parcouru pour venir jusque-là ? C'est simple, c'était une passion jusqu'à ce que je me retrouve au chômage, puisque à 54 ans, donc je me suis retrouvé au chômage pour des raisons médicales. J'étais donc licencié, donc après, à l'âge là, c'est hyper compliqué de retrouver une activité. En plus, on est un peu fatigué, on est un petit peu fatigué, donc après, j'ai réfléchi, j'ai quand même pris 2 ans à réfléchir ce que je pouvais faire, essayer de trouver un travail classique, quoi. Mais bon, ben, ne trouvant rien, je me suis dit, bon, j'étais passionné de karaoké, bon, je voyais un petit peu ce qui se faisait dans le coin, je me suis dit, t'es largement capable de faire ça, quoi, de faire l'animation, ça me plaisait. Bon, c'est quand même toujours plus facile de travailler dans un domaine qui vous intéresse, qui vous plaît, quoi, hein, qui est une passion. Donc ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Et donc voilà, c'est comme ça un petit peu que j'ai démarré, et puis bon... J'ai une autre activité en complément qui me permet de voilà autre chose totalement différente qui me permet donc de d'arriver par mes activités à en vivre quelque part quoi voilà. Et justement tu me l'as dit aussi, c'est pas n'importe quoi comme activité, c'est aussi quelque chose de très humain, de très louable. D'ailleurs une profession que je ne connaissais pas spécialement avant que tu m'en parles et qui je pense mérite d'être un petit peu plus connue à travers les ondes. Il s'avère que tu es aidant familial et pas pour n'importe qui, pour ta maman. Oui, en fait, c'est très peu connu. C'est un statut donc qui permet de s'occuper d'un proche, donc de toucher un petit revenu en compensation, mais de s'occuper d'un proche officiellement, donc d'être reconnu, d'avoir un bulletin de salaire, de cotiser à la retraite, de cotiser à toutes les caisses. Enfin, voilà, ça permet d'avancer. Donc, c'est vrai que bon, je m'occupe, je me suis, enfin, depuis longtemps, je m'occupais de ma maman déjà, puisque de toute manière, mon papa est décédé assez jeune, donc ça fait 27 ans qu'il était décédé. Je n'ai pas de frère ni de sœur, donc effectivement, bon, je me suis quand même, pendant des années, je me suis un peu toujours occupé de ma maman, qui de surcroît est handicapée au départ, puisqu'elle est atteinte de surdité. En plus, qui n'a pas été épargnée par la maladie depuis 30 ans, donc voilà. Donc... à un moment donné où sa santé, c'était juste d'ailleurs quand j'allais commencer les karaokés, sa santé s'est un petit peu aggravée. Donc j'avais prévu une autre activité, on va dire plus commerciale, que j'ai abandonnée pour donc prendre ce statut d'aidant familial. Donc c'est vrai que la semaine, on va dire, enfin ça c'est tous les jours, je m'occupe d'elle. Et puis, bon, mon épouse me seconde quand j'ai des animations le vendredi, le samedi principalement. Et puis voilà, donc c'est mes deux activités, voilà, un petit peu quelle est... Donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal, mais de toute façon, moi je suis quand même quelqu'un qui a besoin de l'humain dans tout ce que je fais, parce que je crois que là-dessus, enfin moi c'est ma théorie aussi, c'est qu'on ne peut rien faire sans... Même dans le karaoké, il faut être humain, quoi. Je veux dire, avec le contact des gens, avec tout ça, avec voilà, il y a des situations qui ont fait qu'il fallait amener un peu d'humanité, même dans les animations. Et comme tu l'as dit, hein, de toute façon, hein, l'émission est dédiée à ton activité de karaoké. Mais voilà, je voulais juste revenir sur ton statut d'aidant familial. Donc, c'est un petit peu comme auxiliaire de vie, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Hein. Je fais la toilette. Donc, j'ai pas fait d'études pour ça. Mais enfin, j'ai regardé un petit peu comment faisaient les dames qui, à une époque, s'occupaient de ma mère. Et puis, bon, après, c'est pas très compliqué. Mais au moins, bon, l'avantage, c'est qu'elle est à la maison, c'est qu'elle a ses repères, elle voit de la famille, elle voit des amis. Enfin, je veux dire, elle est bon. Je peux pas trouver mieux comme mode d'accueil pour quelqu'un qui, comme elle, qui est dépendante, quoi. Donc voilà. Alors c'est vrai que je voulais en parler un petit peu parce que je suis quand même content de qu'on parle un petit peu de cette activité qui est quand même. Elle est quand même contraignante, il ne faut pas se voiler la face parce que vous ne travaillez pas des heures par jour, c'est pas le nombre d'heures qui fait, mais c'est la présence, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'être là le matin, vous êtes obligé d'être là le soir, vous êtes obligé d'être là le midi. Bon, la journée, je peux m'accorder des fois quelques heures de liberté, mais il y a quand même, c'est quand même 7 jours sur 7. Hein, ça veut dire que même si je rentre d'une soirée à 4 heures du matin, moi à 7h, 7h30, il faut quand même que je la lève. Oui. Voilà. Bon, ça va que je suis quand même secondé par mon épouse qui, de ce côté-là, fait un petit peu le tampon. Mais enfin, ça m'arrive quand même régulièrement d'être obligé de me lever pour m'occuper de ma mère. Et après une soirée, quoi, c'est pas rare, quoi. Donc voilà, mais je voudrais rendre hommage à tous ceux qui font ce boulot-là parce que c'est pas très connu. Les gens se sentent, parce qu'on se sent quand même un peu seul hein, dans son coin. Il n'y a pas tellement de... Il n'y a pas tellement d'aide, si vous voulez. Vous êtes bon, voilà, vous décidez un jour de vous occuper d'un proche, mais c'est voilà, vous savez que vous allez prendre sur votre vie, que vous allez le faire. Et bon, c'est vrai que quand je veux, bon, j'ai pris une semaine de congé l'année dernière, hein, ça c'est, et donc bon, j'ai trouvé des proches qui ont bien voulu me dépanner et tout ça, mais c'est quand même compliqué, quoi. Dès que si j'ai une invitation, si j'ai quelque chose, si je travaille, même si je travaille pas, mais bon, voilà, il faut toujours des aménagements, trouver des compromis. Oui, ça vous prend quand même une bonne partie de votre vie quelque part, quoi. Voilà. Mais on le fait, c'est normal, c'est ses proches, on se pose pas la question, on le fait, quoi. Oui, c'est peut-être pas forcément évident, mais c'est une solution très humaine ah oui, pour ah bah la là, famille. Oui, au niveau de la solution, ouais. Donc big up à tous les aidants familiaux qui peuvent nous écouter. Hein. Voilà, c'est important, comme tu le disais, d'au moins savoir que ça existe. Et ça a été pour toi une solution alternative au chômage. C'est possible, en effet. Et de l'autre côté, parce que de toute façon, c'est le sujet de l'émission de ce soir, c'est ton activité d'animation et de karaoké. Mmh. Tu le fais en fait de manière professionnelle, si j'ai bien compris. Ah oui, tout à fait. Hein. Bon, j'ai le matériel, vraiment du matériel professionnel, des super micros. C'est pas parce qu'on a quand même au départ les gens quand on parle de karaoké ont quand même une image assez ringarde du karaoké. Il faut le dire, il faut bien le dire. Bon, d'ailleurs, il y a aussi des karaokés qui sont assez ringards. Il faut pas avoir peur de le dire. Mais après, le karaoké, ça peut être un loisir sympathique. Moi, je vois ma fierté, c'est quand les gens sortent d'une soirée karaoké et puis ils me disent « Mais moi, je ne savais pas qu'on pouvait s'amuser comme ça dans une soirée karaoké. Hein, » parce qu'il faut que ce soit un peu... Il y a des gens, il y a un petit peu de toutes sortes de chanteurs, mais les gens s'amusent, quoi, beaucoup. Ils s'amusent, ils dansent, ils chantent en groupe, ils s'éclatent, quoi. Donc, je veux dire, là, après, on n'a plus la même vision. Enfin, c'est plus... C'est, voilà, il y a karaoké et karaoké, quoi, je pense. Oui. Et toi, ce que tu proposes, c'est le karaoké ou le karaoké? Ben moi, c'est le karaoké, ouais. Sérieux, festif, où les gens peuvent chanter de manière différente. Hein, j'ai des très bons chanteurs, j'ai des chanteurs qui chantent archi faux. Mais ça, c'est pas grave. C'est que moi, l'avantage, c'est que tout le monde y prend un plaisir. Et ça, c'est tout ce qui compte, c'est tout. Les gens s'amusent, ils sortent, ils ont passé 4-5 heures, ils se sont amusés, ils ont dansé, parce que... Souvent, quand quelqu'un chante, pardon, les autres, bon, si c'est un tube des années 80, une chanson un peu festive, les gens viennent autour danser, donc tout ça, voilà. C'est pas que du karaoké, on va dire, strict, où chacun vient chanter à son tour, sans bruit, sans rien, non, c'est pas ça. Bon, après, c'est sûr que si vous avez un super chanteur, l'assistance va se calmer et va dire oh là, celui-là on l'écoute parce que voilà, c'est un bon chanteur. Mais après vous avez les gens qui viennent chanter à 5, 6, des fois ils sont 15 à chanter voilà. Bon bah 15 personnes qui chantent les lacs du Connemara, oui, ça c'est voilà, c'est vivant hein, ça bouge dans le bar quoi. Mais c'est ça aussi quoi le karaoké hein, c'est un petit peu il y a plusieurs facettes quoi. Voilà. Et en tant que en fait comme on l'a dit hein, tu as deux emplois, d'ailleurs, c'est une situation entre guillemets malheureusement répandue, le double voire le triple ah oui, emploi sûr. Actuellement. Tu es d'un côté aidant familial et là tu es aussi animateur professionnel. Tu le fais d'ailleurs en auto-entreprise. C'est oui, c'est ça. Oui, c'est le modèle le plus facile que j'ai trouvé. Bon, au niveau de la gestion, quoi, déjà. Et puis voilà, quoi. Bon, après. Voilà, quoi, c'est assez simplifié, c'est vrai, il faut être honnête. Et puis ça m'a permis, voilà, j'ai eu quand même à investir dans le matériel. Et puis après, voilà. Et maintenant, ça te permet quand même de rajouter un petit complément à, eh bien, à ta... Comment dire ? Vu que tu fais ça en professionnel, ça met un peu de beurre dans les épinards. Ah ben oui, c'est même... bon, au niveau revenu, c'est même... C'est même mon revenu principal, entre guillemets, quoi. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt mon activité. Enfin, c'est les deux qui me ramènent, un, on va dire, un revenu décent, comme, voilà, comme quelqu'un qui commencent à travailler. Hein. Bien, c'est sûr, j'ai plus les revenus que j'avais quand j'étais dans l'industrie. Bon, j'ai divisé par deux. Hein. Mais bon, ça me permet de vivre, quoi. Voilà. Donc, et c'est le plus important. Oui, c'est le plus important. Hein. Ça te permet d'en vivre et ça te permet aussi de donner la joie de vivre à plusieurs aux personnes pour qui tu animes les soirées. Et on a envie de partager un petit moment de joie avec toi, de bien-être, avec un premier morceau qui s'intitule « Femme de légende » de Soldat Louis, que si tu le veux bien, on s'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Pas de soucis. Par d'autres images ou d'autres temps, âme sombre et fragile, armée de silence, de granit et d'argile, de siècles d'errance, ombre sur la lande, brisée de chagrin. De légende, le regard si loin, elles attendent qu'il rentre, elles attendent en vain, ne veulent rien entendre du ciel qui s'éteint. Vous dit la tentaire plus cruelle, la mort sans surprise. Ombre sur la lande, brisée de chagrin, femme de légende, le regard si loin, elles attendent qu'il rentre, elles attendent en vain. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'heure des loups, et vous avez entendu à l'instant le morceau Femme de légende de Soldat Louis. On est toujours avec Pat Anime pour ton activité et un événement à venir, bien entendu, la Saint-Sylvestre à Rue-sur-Moselle. Et d'ailleurs, si quelqu'un a envie de réagir ou de discuter avec nous, n'hésitez pas via la page Facebook Radio Gémozo ou par téléphone au 03 29 62 40 40. On a vu un petit peu les deux casquettes que tu portes en ce moment, qui je pense représentatives de plus en plus de personnes actuellement, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de revenir sur la conjoncture actuelle, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais on va continuer à se centrer sur ton activité, comme tu as dit, en fait, en réalité principale, le karaoké. Ça fait 2 ans que tu fais ça de manière professionnelle, si je ne me trompe pas. Et maintenant, il y a au moins des endroits où tu tournes assez régulièrement. Pour ceux que je sais, le bar chez Fatotio ou le Potter Lacasse Saint-Amé, à qui je passe le bonjour s'il m'écoute. Oui, oui, c'est ça. J'ai quand même des bars où je vais plusieurs fois. Bon, comme chez Fat, par exemple, c'est 4-5 fois par mois. Voilà, le Potter Lacasse, c'est 2 fois par mois. J'ai encore le bar au Pégo à Cornimont, où je vais 1 fois par mois. Enfin, ça, c'est des clients habitués avec qui je travaille depuis le début, quasiment. Sauf un peu le Potter Lacasse, puisque je travaille avec eux depuis le mois de mai. Mais voilà, avec Mag, je sais qu'elle est venue à l'émission, donc je lui passe le bonjour aussi. Quelqu'un de super sympa. Et donc voilà, oui, j'ai une rotation quand même de karaoké qui sont prévues. Je travaille sur même plusieurs mois, on travaille sur plusieurs mois, on met des dates sur plusieurs mois à l'avance, quoi. Donc c'est vrai que je me plains pas, disons, je pensais pas que ça marcherait, entre guillemets, comme ça, quoi. Et voilà, puis là, je pense que j'aurai encore bientôt des nouveaux clients sur le secteur. Voilà, bon, je cherche toujours parce qu'il faut jamais s'endormir. Moi, je suis plutôt comme ça, il faut toujours chercher à faire mieux, à faire un peu plus. Bon, j'essaye que ça devienne vraiment l'activité complète, que je puisse dire, par exemple, dans le mois, j'ai plus trop de dates de disponibles, quoi, dans les week-ends et dans tout ça. Voilà, j'essaye de meubler au maximum, c'est normal. Après, mais bon, ça se passe bien, je suis assez content, oui. Donc ça c'est aussi, le toc à éviter, que je me le souligne encore une fois pour ne pas le répéter. Comme je le disais, tu animes tes soirées essentiellement le week-end. Oui, c'est 99% les vendredis et les samedis, quoi. Après là, je suis quand même en train de développer un peu le dimanche avec des restaurateurs. Parce que donc je l'ai déjà fait quelques fois et je me suis aperçu que les dimanches d'hiver, hein, principalement, donc là toute la saison qui va arriver jusqu'au mois d'avril, c'est vrai que les gens s'ennuient pas mal le dimanche. Là je suis en train de démarcher plus les restaurateurs pour travailler avec eux le dimanche à midi, c'est-à-dire proposer... qu'eux proposent un repas aux clients que je leur amènerai, et puis après les clients, même pendant leur repas, puisque ça se marie très bien en fait le karaoké avec la restauration, puisqu'il faut quand même un petit peu patienter avant de pouvoir rechanter une seconde chanson et ainsi de suite. Donc les gens sont à table, donc ils mangent, voilà, ils viennent chanter quand je les appelle, donc voyez, ça se marie très bien. Donc là je suis en train d'essayer de développer un peu l'activité sur les dimanches à midi. Voilà. Et puis bon, je sais pas, ça peut aller jusqu'à 17h30, 18h, vous voyez, on passe l'après-midi ensemble, voilà, autour d'un repas, et voilà, c'est assez... Je l'ai fait, ça marche super bien, mais oui. Bon, il faut que j'arrive à le prouver au restaurateur, mais moi je sais que je l'ai déjà fait, ça marche, ça peut super bien marcher. Ça peut en effet bien fonctionner, comme on le voit déjà, tu le disais, tu tournes régulièrement au bar chez Fat, au Potter Lacasse et dans d'autres bars. Et mis à part ces événements chez des professionnels, parce que ce sont des établissements, enfin, Voilà, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Est-ce que tu interviens aussi chez des partenaires privés, donc pour des anniversaires ou des mariages ou des choses comme ça ? Oui, je peux intervenir, hein, y a pas de souci. Mais je le fais pour l'instant. J'ai un peu moins de demandes, mais je le fais quand même. Mais j'ai quand même beaucoup. Voilà, ça reste minime par rapport à mes karaokés, quoi. C'est, karaoké, je pense, que c'est quand même déjà 90% de mon activité. Après, j'ai d'autres soirées. J'ai des soirées plus dansantes. Voilà, j'ai animé par exemple un feu de Saint-Jean cet été. Enfin, oui, cet été, j'ai un feu d'artifice qui est prévu pour le mois d'août 2019, par exemple, déjà des prévisions. Voilà, j'ai fait la foire au beignet au Tillot. Donc là, c'était un karaoké de rue, c'était autre chose, enfin un petit peu différent. Voilà, je fais aussi, oui, j'ai fait des repas de classe, j'ai fait des choses comme ça. Hein, donc oui, je fais un peu toute l'animation. En fait, au départ, c'était plus le karaoké qui m'intéressait puisque c'était ma passion, mais au final maintenant je suis capable de faire un peu toutes les animations musicales, quoi. Ah mais c'est important de le savoir et comme tu le disais, bon, tu es sollicité par plusieurs personnes diverses et variées, mais si on veut faire appel à toi, comme ben, on le sait actuellement, les temps sont un petit peu durs pour tout le monde, alors forcément je pense que les auditeurs ont peut-être envie de savoir à combien ça pourrait revenir s'il faisait appel à toi ? Oui, bien sûr. Alors, tout dépend un petit peu de l'activité. Bon, les soirées karaoké, c'est un petit peu le basique, c'est-à-dire c'est ce que je demande le moins cher. Bon, là, on tourne à 250 euros maximum la soirée, quoi. Bon, puis encore, il y a des avantages pour les gens qui me prennent quand même régulièrement dans les bars. Mais bon, si on voudrait sur une soirée, voilà, pour 250 euros, on peut faire une belle soirée karaoké. Oui. Bon, après, c'est sûr que si un mariage, bon, après, c'est plus pareil. C'est plus le même travail. Il y a de la préparation, il y a tout ça. Donc là, on montrait peut-être à 500, 550. Mais c'est, voilà, c'est dans mes maximums. En gros, je suis entre allez, 200 et 550 euros, quoi. Voilà, en fonction de ce qu'on me demande. Voilà. En fonction de ce qu'on te demande, parce que tu t'adaptes aussi à la demande de ton client. Ce sont littéralement des clients. Ah oui, bien sûr. Au mois de décembre, je vais faire un repas de Noël d'association de retraités. Bon, ça ne va pas du tout être le même programme. C'est moi qui vais chanter un petit peu. Là, je vais chanter un petit peu des chansons anciennes, tout ça. Bon, je vais les faire danser sur du musette, tout ça. Voilà, c'est une soirée qui est complètement inhabituel pour moi, enfin, mais je vais la préparer, voilà, parce que moi c'est ça, quoi. J'aime bien préparer les choses, enfin, rien n'est laissé au hasard, quoi. J'aime bien voilà, que ce soit entre guillemets professionnel, quoi. Oui, ça se comprend entièrement, que ce soit professionnel et que ça corresponde en fait aux différentes personnes qui font appel à toi pour qu'ils passent de bons moments, parce que je suis certaine que c'est le plus important pour toi. Et j'imagine au début, pour te lancer dans ton activité, c'était peut-être pas forcément évident. Est-ce que tu as eu du soutien ou ça s'est très bien passé ? Bah, c'est-à-dire, bon, mon épouse quand même a contribué à ce que, elle me poussait quand même, hein, à ce que je me lance, parce que moi j'en parlais toujours et puis je repoussais. Bon, je dois dire que là-dessus elle m'a dit, allez, vas-y, quoi, maintenant t'es capable de le faire. Bon, je voyais ce qui se faisait par d'autres gens qui faisaient dans ce domaine-là. Bon, oui. Je me suis dit, il y a un moment donné, oui. Et puis bon, comme c'est vrai que ma passion a fait que j'ai bourlingué dans, je sais pas, tout l'est de la France pour aller faire du karaoké, où j'allais chanter aussi bien à Metz qu'à Mulhouse ou que je sais pas où. Donc, chaque karaoké, pour moi, je regardais un petit peu comment ça se passait. Je me disais, tiens, l'idée là, elle est bonne, je la garde. Celle-là, elle est pas bonne, je la garde pas, ainsi de suite. Donc, ça m'a permis quand même d'avoir une bonne approche du karaoké. Et je pense que c'est ça qui fait un peu le succès de mes soirées. Ça a été réfléchi, c'est pas fait n'importe comment, mais c'est festif quand même. Donc, en même temps, il faut pas que ce soit n'importe quoi, il faut que ce soit pro, mais en même temps, il faut que ce soit festif. Il faut être quelqu'un de sympathique avec les clients. Quand on me demande, voilà, on me demande un truc, bah, bon, je fais le maximum pour toujours donner satisfaction, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'il faut travailler. Je vois pas comment je pourrais faire autrement.

Les murs porteurs de Florent Pagny. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo 107FM, toujours dans l'émission L'heure des loups, avec Pat de Pat Anime. Pour ceux qui connaissent, vu que en effet tu n'es pas un inconnu dans le secteur pour les différentes soirées que tu animes. Et bon, je pense que ça je l'annoncerai rapidement dans le billet de sortie, que pour ceux qui veulent te voir rapidement, ce sera le samedi 24 novembre dès 21h au bar chez Fat au Tio. Mais s'il y a autre chose, un événement d'une plus grande ampleur. Ah, tu me fais un oui, je vais, je vais pas, je vais quand même aussi annoncer que je suis vendredi au Potter Lacca à Saint-Amé, voilà. Ah, nickel, bah je le note et puis. Voilà, donc le week-end prochain, c'est vendredi Potter Lacca à Saint-Amé et samedi chez Fat au Tio, voilà. Ça, c'est le programme du week-end. Donc, c'est bien noté qu'il sera répété très certainement dans Merci. Le billet de sortie. Mais comme je le disais, tu as un événement d'une toute autre ampleur à nous annoncer. En effet, tu prépares, pas tout seul, mais en tout cas, d'après ce que j'ai compris, tu as investi beaucoup dedans pour la Saint-Sylvestre à Rue. Pour cette grosse soirée. Alors, comme j'ai bien compris, tu n'es pas tout seul qui organise. Il s'agit aussi de l'association Musicalement Vôtre 88. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle association donc, qu'on a créée sur Rupes-sur-Moselle. Donc, j'en fais partie, hein, bien sûr, avec un noyau d'adhérents, on va dire, et de bénévoles. Et donc, nous, notre but, si tu veux, c'est d'organiser des manifestations. Et avec ce bénéfice-là, bon, ça reste toujours un peu dans mon contexte, hein, puisque ce sera de proposer donc dans les maisons de retraite ou dans les foyers d'adultes handicapés ou voilà, dans tous ces lieux-là, c'est d'amener un peu de musique, d'amener un petit peu de joie, des moments musicaux, pour sortir un petit peu ces gens, les personnes âgées par exemple dans les maisons de retraite, un petit peu de la monotonie. Bon, on sait bien que dans les maisons de retraite, il n'y a pas des gros budgets alloués aux loisirs. Donc nous, voilà, le but de l'association, c'est un peu ça au départ. C'est ça ce qui me tenait à cœur, puisque moi, je l'avais déjà un petit peu fait avec des groupes, une chorale et puis un groupe vocal, où on était déjà intervenu à l'hôpital de Remiremont, à la maison de retraite du Tio, des choses comme ça. Bénévolement par le fait. Donc là, avec l'association, on voudrait peut-être améliorer un peu, faire peut-être venir un peu des autres. Moi, je vais bien sûr y participer, hein, je vais aller chanter dans les maisons de retraite, je vais essayer de faire chanter un petit peu, essayer de faire participer, je suis en train de préparer tout ça, mais on voudrait aussi peut-être faire venir des musiciens, des choses comme ça. Donc là, on pourrait faire déplacer des gens avec le bénéfice qu'on aurait sur nos organisations. Et donc le nouvel an est la première grande organisation que l'association va réaliser. Voilà. Donc si ça marche bien, si on a un peu de monde, il y a quand même un but. Dès le printemps 2019, je pense qu'on pourra commencer à faire quelques animations justement dans les maisons de retraite ou les foyers handicapés, par exemple. Hein, c'est une idée. J'ai eu l'occasion lors d'un karaoké ou par exemple bien avant l'heure de démarrer le karaoké, il y a un groupe d'adultes handicapés qui sont venus dans le bar, mais ils ne pouvaient pas rester longtemps. Bon, on m'a demandé gentiment si je voulais démarrer la soirée plus tôt. Bon, il n'y a pas eu de souci, je l'ai fait bien sûr. Mais ils m'ont tellement emporté le soir-là au niveau... ils ont chanté, ils étaient heureux, quoi. Ils sont partis, ils m'embrassaient, ils me remerciaient. J'avais pas fait grand-chose, j'avais fait chanter trois quarts d'heure, une heure. Mais voilà, il y a eu tellement de retours de leur part que c'est quelque chose qui m'avait marqué. Donc j'ai envie, avec l'association, qu'on puisse refaire un peu ces choses comme ça, quoi. Oui, qu'on puisse amener un petit peu de joie dans tous ces lieux-là, quoi. Une cause tout à fait louable, et comme tu l'as dit, parfois ça demande des fonds pour vraiment proposer des animations diverses à des personnes régulièrement un petit peu en situation d'isolement culturel et... d'animation. C'est pourquoi l'association Musicalement Vôtre propose ce nouvel an chantant et dansant. Je pense que où et quand, on n'a pas besoin de le préciser. Ah si, où exactement Ah ben c'est la salle des fêtes de rue, hein, la grande salle de rue, le socio-culturel. Hein, c'est une très belle salle où vraiment, enfin c'est une superbe salle où on l'accueille nickel, quoi, je veux dire, pour faire une soirée. Oui, en plus il y a une grande scène. Donc, forcément, quand je suis dans le coup, il y a forcément une partie karaoké. Donc, les gens pourront chanter en début de soirée, hein, le temps du repas, tout ça. Après, bien sûr, il y aura toute la danse et tout ça. Et donc le karaoké là sera fait dans de très bonnes conditions puisqu'il y aura l'écran géant. Tout le monde pourra suivre le karaoké sur écran géant. Le chanteur sera sur la scène, il aura lui un écran pour lui, il sera face au public, ce sera un peu différent des voilà, ce sera le must du karaoké que voilà, ce sera un accueil particulier. Et puis après bien sûr, il y aura toute la soirée dansante classique avec de la musique pour tous les goûts, hein, tout un petit peu pour tout le monde. Et puis je pense que peut-être la soirée se finira au petit matin et que peut-être dans la nuit on refera, si les gens sont un petit peu fatigués de danser, ils pourront rechanter un petit coup, ainsi de suite, quoi. On va peut-être faire un peu alterner. Voilà, c'est un petit peu le programme que je suis en train de préparer. Donc c'est une promesse d'une soirée vraiment animée que personne ne devrait normalement oublier. Comme tu l'as dit, ça se passe en plusieurs temps. Tu as dit karaoké, nourriture, danse. Et la nourriture, parlons-en, parce que les auditeurs le savent très bien, dès qu'il s'agit de manger, Lou est présente. Donc comment ça va se passer le repas ? Ben voilà, bon, je voulais. On avait dans l'idée quand même de. C'est très compliqué parce qu'on voulait que le prix de la soirée reste raisonnable. On n'a pas pu atteindre ce qu'on voulait au départ, mais on voulait aussi qu'il y ait une certaine qualité, quoi. Et ça, on peut pas transiger dans le repas. C'est vrai que on aurait pu faire beaucoup plus simple. Là, on a choisi déjà un traiteur un peu réputé dans la région. Hein, je ne sais pas si je peux le citer. Je pense que tu peux. Voilà, c'est Cuisine d'un jour, donc de Pouxeux, hein, qui est assez réputé. Enfin, moi, j'en ai eu pas mal d'échos favorables. Et puis, donc, je voulais que ce soit un vrai repas. Hein, je ne voulais pas trop qu'on aborde, entre guillemets, ce que moi j'appelle l'industriel. Je voulais que ce soit un vrai traiteur qui soit là, donc ce sera le cas. Et en plus, il va nous proposer donc, un buffet, sous forme de buffet, donc, ce qui va nous permettre de varier, de varier un peu le menu, quoi. Il y aura énormément de choses, il y aura tout un buffet d'entrée. Après, donc, il y aura un plat chaud, après il y aura un assortiment de fromage et on retrouvera un buffet de dessert pour finir. Voilà, c'est assez copieux, c'est assez... Je me mets à la place, quand vous avez un menu type, ben, par exemple, je ne sais pas si c'est une coquille, je dis n'importe quoi, mais si c'est une coquille Saint-Jacques en entrée et puis que vous n'aimez pas le poisson, ben, vous êtes déjà flambé sur l'entrée, quoi. Voilà, alors que là, la taille du buffet, il y a quand même des choses un petit peu de toutes les sortes, il y a du poisson, il y a même des crudités, il y a des choses pour éventuellement, voilà, il y a un petit peu de quoi satisfaire un petit peu tout le monde. Donc voilà, c'est quand même un repas de qualité, voilà. Un repas de qualité pour satisfaire, comme tu le disais, un petit peu tout le monde, vu que ça propose différentes choses pour différents types de régimes alimentaires, à ce que je vois. Oui, en tout cas... Il y a du végétarien dans les repas froids, donc voilà, c'est ça, c'est bon à prendre. Je pense aussi oui aux végétariens, végétaliens, véganes, musulmans, juifs, etc. Enfin voilà, toujours important de penser aux régimes alimentaires différents. Et ce buffet, c'est un petit peu un compromis. Ça y est, j'ai trouvé le mot. Et tu as parlé de prix, parce que tu as dit que tu voulais trouver, vous vouliez trouver un juste milieu, comme tu n'es pas tout seul là-dessus. Est-ce que les auditeurs peuvent peut-être savoir, de toute façon ils le sauront, mais tu peux leur dire à combien s'élève cette soirée ? Oui, bien sûr. Voilà, c'est vrai qu'au départ, on voulait rester, on va dire, dans les 50 et quelques euros. On n'a pas pu parce que quand vous ajoutez tout ce qu'il y a, les frais, tout ce qu'il y a, ben, si vous voulez faire de la qualité, c'est pas possible. Donc là, on arrive à un prix de 69 euros. Bon, je pense que ça va être, je pense qu'on va être dans la moyenne parce qu'il va y avoir des réveillons un peu en dessous et il va y avoir beaucoup de réveillons au-dessus au niveau tarif. Voilà, bon, donc je pense qu'on sera dans une certaine moyenne. Après, bon, il y a un style de soirée qu'on propose qui n'est pas non plus habituel, le fait de pouvoir chanter un petit peu en début de soirée, tout ça. Ça, je pense que personne ne le propose dans le coin, donc

Ah oui, bien sûr, c'est uniquement sur réservation et les réservations s'arrêteront une semaine avant, c'est-à-dire le 23 décembre. Voilà, vous avez jusqu'au 23 décembre pour vous inscrire, vous réserver. Voilà, ça vous laisse encore. Bon, là, c'est j'ai pas mal de réservations qui commencent à arriver. Quoi, je veux dire, ça commence à bouger. Hein, c'est normal. Les nouvel an, les gens s'y prennent toujours presque un petit peu tard entre guillemets. Mais là, il y a rien qui va mal. On a encore de la marge. Oui, tu as encore un petit peu plus d'un mois, 33 jours pour être précise, pour réserver pour cette soirée. Et par où ça se passe pour les réservations ? Alors, c'est musicalement vôtre. Bon, vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, donc sur soit musicalement vôtre 88 ou soit sur Patanim. Vous pouvez trouver, donc je ne sais pas si je peux citer le sur quels réseaux sociaux on peut trouver. C'est sur Facebook. Hein, voilà, donc si vous voulez savoir tout sur Patanim, toutes mes prestations ouvertes au public, donc vous regardez sur Facebook Patanim et là vous avez tout le détail. Vous avez les trois pages qui concernent le nouvel an avec la page d'accueil. Vous avez le menu complet et après, vous avez le bulletin réponse quoi, que vous pouvez imprimer et remplir et renvoyer donc, à l'adresse de l'association Rupt-sur-Moselle. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça en fait. Vous avez tout sur les réseaux sociaux. Tout sur les réseaux sociaux. Comme tu le disais, d'ailleurs, le règlement se fait au moment de la soirée ou au moment de la réservation ? Oui, c'est au moment de la réservation, mais l'argent n'est retiré qu'après la soirée, bien sûr. Ah, c'est important. Oui, il faut préciser, mais je crois que c'est logique. Donc pour cette soirée hein, qui, je l'espère, comme tu l'as dit, durera jusqu'au matin, avec de la musique, du karaoké, de la danse, de la nourriture pour tout le monde, et avec un prix, comme tu l'as dit, qui s'est voulu le plus abordable possible, donc 69 euros par adulte et 35 euros par enfant de moins de 10 ans. C'est pas négligeable, hein, comme tu le disais, c'était pour proposer le prix le plus juste possible, et pour une cause juste, il faut aussi le rappeler. Après tout, vous faites pas ça pour vous mettre l'argent dans les poches, non. C'est pour proposer des prestations aux personnes âgées dans les EHPAD, aux personnes dans des... c'est pas des hôpitaux, mais des centres, enfin des personnes aussi en situation de handicap. Oui, aussi, bien sûr. Voilà, une cause tout à fait... Ils sont très, très réceptifs à la musique, hein, d'ailleurs. Et c'est un public, je vous dis, je l'ai découvert comme ça par hasard, mais c'est vrai que... c'est plaisant de... la passion qu'ils ont pour la musique, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose qui est important, ou qui est vital en tout cas pour toi de partager, pour toi et l'association Musicalement Vôtre. C'est un travail commun que vous mettez en avant en espérant pouvoir récolter assez de fonds pour proposer des animations par la suite aux personnes dont on a parlé juste avant. J'essaie de trouver un petit peu mes mots. À nouveau donc. On va se le noter. Je vais me faire le pari d'arrêter de dire donc d'ici le début de la semaine prochaine. Les auditeurs qui suivent, vous pouvez toujours me rappeler à l'ordre si d'ici la semaine prochaine, j'ai encore mon toc de langage. Mais comme je le disais, d'ailleurs ça va être compliqué cette fois, c'est toutes ces choses que tu proposes par le biais de ton travail à toi, vu que tu es animateur, Pat Anime. On te retrouve aussi sur ta page Facebook, ou même c'est un profil Facebook, mais bon, dans lequel on peut trouver assez aisément les informations où tu seras, par exemple, pour la soirée chez Fat Otillo. Oui, en fait, semaine par semaine, quoi, vous trouvez le programme. Sauf si c'est dans des restaurants où je l'annonce un petit peu plus tôt pour que les gens... je l'annonce sur une quinzaine de jours pour que les gens puissent éventuellement réserver tout ça. Mais quand c'est dans les bars, donc pendant une semaine, je fais la pub quand je fais deux karaokés dans le week-end, la pub pour le week-end d'après, quoi, ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis là, bon, je remets régulièrement à jour la pub du Nouvel An, et puis voilà, quoi. Et est-ce que tu trouves personnellement que passer par les réseaux sociaux te permet un petit peu de te faire connaître et de médiatiser d'une certaine manière tes événements à toi ? Oui, Oui, c'est franchement, c'est pour moi, bon, c'est un bon support. Hein, c'est bon, j'ai par exemple, j'ai des fois des gens qui me demandent des chansons précises qui sont pas forcément au catalogue. Pourtant, il est déjà assez copieux. Mais donc, je sais pas. Par exemple, je peux avoir une demande à 16h d'une chanson bien précise et le soir à 21h, la chanson elle est prête quoi pour le karaoké du soir même. Il y a des choses comme ça. Après, il y a des relations. Après, c'est vrai que je mets aussi beaucoup de photos. Hein, quand les gens acceptent d'être pris en photo, oui. Je mets aussi des photos de toutes les soirées le lendemain. Donc, et par exemple, bon, dimanche, j'avais un truc de privé. J'ai pas pu les mettre tout de suite. Bah, voyez, déjà les gens me demandaient. Au fait, t'as toujours pas mis les photos de vendredi, quoi. Bah oui, c'est vrai. J'avais pas eu le temps de mettre les photos du vendredi. Donc voilà. Après, il y a une petite attente. Les gens le savent. Ils aiment bien retrouver des photos. Voilà, parce que bon, ça les fait sourire un peu des fois. Voilà. Et puis donc c'est tout ça qui crée un peu petite dynamique. Oui. Voilà. C'est une vraie convivialité qu'on trouve à la fois sur ta page Facebook, mais enfin ou sur ton profil, mais aussi via les soirées que tu animes. Vraiment cette convivialité, cet amour en fait du partage du bon moment qu'on trouve vraiment chez toi. Ben moi, si vous voulez, ça me rappelle. Moi, je suis quand même d'une génération des années 80, tout ça. Donc quelque part, mes karaokés, des fois, me rappellent les bonnes soirées qu'on pouvait faire à l'époque, que ce soit dans des repas de famille, des choses comme ça, où il y avait de l'ambiance, où les gens s'amusaient, tout ça. Ça me rappelle, quelque part, ça me rappelle un petit peu cette époque-là, quoi. Donc je suis assez content de pouvoir recréer le temps d'une soirée, des ambiances où les gens s'amusent. Au final, bon, après, voilà, ils sont un petit peu timides au début, puis après, ils se piquent au jeu, et puis après, au final, une fois qu'ils ont chanté une fois, ils veulent rechanter, et ainsi de suite. Et voilà, puis bon, c'est convivial, c'est le principal, quoi. Oui, voilà. C'est le principal. Et puis, bon, j'ajouterai une dernière chose, c'est que c'est vrai que, bon, je pense que le plus bel hommage qu'on m'ait fait, moi, en tant qu'animateur de karaoké, bon, c'est un musicien, je sais qu'il est passé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, ici. Bon, je peux le citer. Hein, même s'il a fait une chanson contre le karaoké. Hein. il a créé une chanson contre le karaoké, c'est Kalou. C'est Kalou. Mais oui, bon, il voilà. Était très content de savoir que tu faisais cette émission. Lui passe Kalou, bonjour. Donc c'est un gars qui a quand même fait une chanson. C'est vrai que contre le karaoké, il trouvait ça ringard, machin. Enfin bref, comme beaucoup de gens, hein, il faut l'avouer. Et puis donc, il est passé à la foire au Beunier quand j'étais dans la rue en train de faire mes karaokés. Et là, il m'a dit, bah, chapeau, ce que tu fais, c'est bien. Voilà, il m'a fait des compliments. Donc voilà, bon, c'était vachement sympa. Quoi. Moi, ça m'a venant d'un musicien, parce que moi, bon, j'aurais toujours rêvé d'être musicien, mais je ne l'ai jamais été. Mais venant d'un musicien, bon, je me suis dit, là, on ne pourra pas me faire, entre guillemets, de plus bel hommage au niveau de ce que je fais dans mes animations karaoké. Quoi. Voilà. Donc, c'est lui qui m'a dit ça, et c'est vrai que ça avait été vachement sympa de sa part. Quoi. Ça se comprend, en effet. Voilà. Et on espère que vous passerez un très bon moment si vous décidez de vous rendre à Russie-sur-Moselle pour fêter le nouvel an avec... Pat et l'association Musicalement Vôtre 88. Vous avez encore le temps de réserver. De toute façon, toutes les informations nécessaires seront indiquées avec le podcast de l'émission parce que oui, malheureusement, l'émission touche déjà à sa fin. Ah, ça y est, le générique a débuté. Donc, les auditeurs sont habitués. Ça va déjà être le moment de faire la programmation de la soirée et de transmettre les dernières informations nécessaires. Alors, ce soir, on est mardi. Donc, à 20h, il y aura La Parole est à vous avec Michel et d'après ce que j'ai compris, l'émission de ce soir portera sur les gilets jaunes. Puis 22h, Dominique pour J'ai aimé, je vous le lis et musique jusqu'à demain matin, jusqu'à la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée jusqu'à maintenant, oui. Donc en effet, demain matin de 7h à 8h. Pour ceux qui auraient loupé le coche ou qui veulent peut-être la réécouter, elle sera disponible en podcast sur notre site internet radioguemozo.eu, rubrique émission et rediffusion, puis l'heure des loups, ou sinon sur la page Facebook Radio Guemozo et le podcast sur Facebook, ta page Facebook à toi sera identifiée. Comme ça, les auditeurs pourront faire assez rapidement le lien. Sinon, comme je le disais, demain matin, on sera mercredi. Donc ce sera chronique d'Amadou, puis 8h30, matinale de Marion qui vous racontera le programme de la journée de demain. On se retrouvera demain soir, 18h-19h, programme un petit peu compliqué, émission divisée en deux, avec un groupe de musique serbe qui sera présent, et d'ailleurs j'aurai une autre casquette, mais ça je vous l'annoncerai demain soir. Et en deuxième partie d'émission, un petit feedback sur le film Bohemian Rhapsody, donc en effet, un programme qui s'annonce assez important. Alors Pat, merci beaucoup pour tes informations, merci beaucoup de te battre pour des causes justes, transmettre, amener des animations dans des lieux où c'est peut-être pas forcément facile parce que les sous manquent. Il faut y penser, il faut le faire, et c'est des gens comme toi, des associations comme la tienne qu'il faut soutenir. Alors je te souhaite beaucoup de courage et j'espère de tout cœur pour toi que ça marchera. Bah merci Lou, moi aussi je vous remercie bien sûr, je te remercie de m'avoir invité et puis je remercie Radio Gemozo, voilà, de nous donner un petit coup de pouce, c'est sympa, super sympa. Avec plaisir, je remercie aussi et enfin les auditeurs d'avoir suivi l'émission comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours, ça fait toujours plaisir et on se dit rendez-vous demain, même heure sur le 107. Bonne soirée à tous.